Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction du sixième cours de la série de l'explication des sagesses d'Ibn Atta al-Lahi Sakandari par Cheikh al-Buti rahimahullah. Dans ce cours-là, Cheikh al-Buti rahimahullah va... tout d'abord, on en est à la deuxième sagesse qui sera rappelée par Cheikh al-Buti rahimahullah. Et on va, dans ce cours-là, principalement parler d'un cas où l'homme se trouve à première vue établi dans le monde des causes, c'est qu'il est dans un monde où il doit travailler, etc., etc., mais que ces causes-là ne sont pas pures. C'est-à-dire que ce n'est pas des bonnes causes, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas comme il se doit, ou des choses comme ça. Et que faire dans ces cas-là, et dans ces cas litigieux entre cause et abstraction? On est un peu à la frontière. On avait vu au cours précédent les cas où les causes sont à appliquer, responsabilité, mari, travailleur, etc. Les cas où l'abstraction est à appliquer, un étudiant tout seul qui voudrait étudier la religion, etc., des trucs comme ça. Mais on n'a pas vu des cas qui sont à la limite et qui sont un peu les plus pointilleux et les plus difficiles. Voilà. Je laisse la parole à Cheikh al-Buti rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des univers. Les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le sixième cours de la série sur les sagesses d'Ibn Atta al-Lah d'Alexandrie. Et nous sommes encore dans l'explication de la deuxième sagesse, dans laquelle Ibn Atta al-Lah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit « Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fil tajrid inhitatun 'anil himmati al-'aliyya. » Vouloir l'abstraction, quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, c'est une envie secrète. Et vouloir les causes, quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus élevé, le plus noble. Mais avant de continuer l'explication de la fin de cette sagesse, je réponds aux questions qui me sont parvenues. Et comme je vous l'ai dit, la plupart n'ont pas de rapport avec le cours. Et certaines ont un rapport. Mais c'est sur des points que nous allons expliquer aujourd'hui. Et moi j'avais dit que les frères devaient attendre, qu'on ait complètement terminé d'expliquer la sagesse, et avant de passer à la suivante, le frère qui trouvera qu'il y a un problème qui n'a pas été évoqué, formulera sa question à ce moment-là. Quant au fait de les poser alors que nous sommes encore dans la continuation de la même sagesse, il se peut en effet que cela nous dérange, ou que cela cause quelques répétitions. Mais il y a un frère qui évoque des propos bizarres. Il dit « Vous avez évoqué ce que voulait dire le fait que certains Arabes d'Occident, dans les pays d'immigration, aient préféré le gain et l'utilisation des causes, même aux dépens de leur religion, et qu'il était plus préférable pour eux de rentrer dans leur patrie pour préserver leur religion. » Le frère s'interroge. S'ils reviennent, seront-ils donc sérieux dans leur religion? Ou bien la guidance serait-elle exclusive à leur pays musulman et pas aux autres? Petite note de traduction. Le terme utilisé pour dire pays non musulman ici, c'est Firangia, et en fait c'est un terme, à ma connaissance, qui remonte à l'époque des croisades. Le Firangia, c'est les francs, en fait. Et aujourd'hui, Firangia, c'est pour dire occidental, européen, ce champ lexical-là. Quoi. Je redonne la parole à, non pas exactement à Cheikh al-Buti, mais à Cheikh al-Buti qui lit la lettre qui lui a été, la question qui lui est parvenue. Ou bien la guidance serait-elle exclusive à leur pays musulman et pas aux autres? Et nous entendons parler de beaucoup de gens qui entrent dans l'islam dans les pays d'Occident. Puis le frère continue. Sur ce point, je suis le cheminement, le raisonnement d'Ibn al-Qayyim, qui a dit « Quand les prémices de la vérité voient le jour, quand les preuves de la justice s'établissent, que cette justice rayonne d'une manière ou d'une autre, alors c'est là qu'il y a la législation d'Allah, sa religion, sa satisfaction et son ordre. » Premièrement, cette compréhension est une compréhension dangereuse des propos d'Ibn al-Qayyim, et tu es injuste envers Ibn al-Qayyim si tu les as compris dans ce sens. Ibn al-Qayyim ne parle pas des pays dans cette question, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « où que je puisse pratiquer la religion et où que la vérité voit le jour, bah je vis là-bas ». Non, ses propos viennent après sa parole « oui, où se trouve l'intérêt, c'est là qu'il y a la législation d'Allah ». Quant à ce qui se rapporte au sujet de la résidence dans une terre de mécréance, ce n'est pas une question ijtihadiyya, où l'on pourrait formuler des avis personnels. Ce sujet se rapporte à la clarification d'Allah et son discours dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة Ce qui donne, en une traduction, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en leur disant « Où en étiez-vous ? Où étiez-vous à propos de votre religion ? Dans quoi étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Les savants se sont accordés à dire, et Ibn al-Qayyim en première ligne, que l'homme n'a pas le droit de résider en terre de mécréance. Sauf pour une raison parmi une liste de raisons précises. Pour combattre dans le sentier d'Allah, pour appeler à Allah le Tout-Puissant, pour faire la da'wah, pour accomplir une mission pour laquelle Allah le lui aura permis, comme le fait de se soigner par exemple, un malade parti pour se soigner, un ignorant parti pour apprendre, une affaire de ce type-là. Le sujet, c'est que ce pays-là a pour nom lieu, maison de mécréance. Ici, c'est une maison d'islam. Quant à ce qu'ils demandent, c'est un propos étrange. S'ils reviennent, seront-ils donc sérieux dans leur religion ? Qu'ils soient sérieux ou qu'ils ne le soient jamais de leur vivant. Nous avons une loi selon laquelle tu ne restes en pays de mécréance que pour une nécessité. Que pour une nécessité parmi celles-là. Il faut que tu résides en terre d'islam, en pays d'islam. Et si tu résides en terre d'islam, tu peux être parmi les bienfaisants, et tu peux être parmi les corrupteurs, et tu peux être parmi les hypocrites. Ça, c'est une autre chose. À Médine, n'y avait-il pas des hypocrites ? Il y avait des hypocrites. Mais il y a des pays de mécréance, et il y a des pays d'islam. On n'a pas le droit, et cela fait consensus. Et la parole d'Ibn al-Qayyim en ce sens est explicite dans son livre... petite note de traduction, le titre c'est ou bien A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin ou bien A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. J'ai essayé de trouver, de faire des petites recherches parce que la traduction du titre m'a posé des petits soucis. Apparemment, le titre original c'était A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Al-A'lam, en fait, c'est comme les marques, les signes. Al-A'lam, c'est une marque, c'est un drapeau aussi, par exemple. Le drapeau, on dit A'lam. Et c'est les marques de qui ? De Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, un peu littéralement, entre guillemets, c'est les signataires au nom du Seigneur des mondes. En fait, A'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, c'est un livre qui dresse une. Enfin, qui détaille certaines choses que les fuqaha, que les imams, que les muftis doivent connaître. En fait, le Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, c'est eux, c'est ceux qui signent au nom d'Allah, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont prendre des décisions au nom de la religion, entre guillemets, qui vont se servir de la religion pour prendre des décisions. C'est eux, le Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Et ce livre leur est destiné, en fait. Et apparemment, plus récemment, les gens ont commencé à appeler ce livre I'lam al-Muwaqqi'in au lieu de A'lam al-Muwaqqi'in, parce que I'lam al-Muwaqqi'in, c'est l'information des signataires, c'est-à-dire informer les signataires au nom d'Allah, ça veut dire les informer de ce qu'ils doivent faire, etc. Voilà, je redonne la parole à Cheikh Al-Bouti, rahimahullah. Donc, la parole d'Ibn al-Qayyim en ce sens est explicite dans son livre « I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin » et dans d'autres. On n'a pas le droit de s'établir dans un pays de mécréance. On a le droit de s'établir dans un pays de mécréance que pour l'une des raisons que nous avons évoquées. Oui. Ceci est à ajouter par ailleurs à la réalité observée. Je vous avais dit que je n'ai vu aux États-Unis que des familles dont les adultes à qui j'ai rendu visite sont sérieux et engagés dans la religion en vérité. Il y en a certainement parmi ceux que je n'ai pas visités, il y en a certainement des américanisés, adultes et enfants. Quant aux petits, aux enfants des familles même sérieuses, tous sont américanisés. Les grands, sérieux et engagés dans la religion, ont des petits qui oublient la religion, qui la délaissent. Leur langue n'est pas l'arabe, leur comportement n'est pas un comportement islamique. Puis il vient te dire de tels propos, non, c'est un courant qui t'emporte. Certainement, si cet homme et sa famille étaient dans un pays musulman, ses enfants grandiraient dans cette ambiance islamique. Mais quand ils sont dans un pays comme les États-Unis, par exemple, ils sont élevés dans une autre ambiance. Oui, cette chose est claire. Ne sois donc pas injuste, mon frère, envers Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, quand il parle de cela, il ne parle pas de la résidence en pays de mécréance ou en pays d'islam. Il parle d'un autre sujet. La réponse aux autres questions viendra, bi'idhnillah, si Allah le permet. Je l'assure aux frères, inshallah. Il y a une proposition de la part de certains frères qui est de retarder l'heure de secours, de le faire commencer après la prière du Isha, contrairement à la voie que nous suivons depuis 30 ans environ. Cette situation, naturellement, n'est pas possible. Premièrement, لأن الأصل بقاء مكان على مكان. Parce qu'à la base, la base, c'est a priori laisser ce qui a été tel qu'il l'a été. Deuxièmement, tout comme ce frère a un intérêt dans le fait que le cours ne commence qu'après l'Aïcha, il y en a plein d'autres dont l'intérêt nécessite que nous laissions les choses comme elles le sont. Et dans une telle situation, nous considérons l'intérêt de la majorité, pas celui de la minorité. Et nous considérons la situation dans laquelle nous étions. A priori, on laisse ce qui a été tel qu'il a été. Ceci s'ajoute au fait qu'avec les nuits qui commencent maintenant à se raccourcir et le jour qui commence à s'allonger, ce fait deviendrait compliqué, difficile pour beaucoup de gens qui viennent de loin pour assister à ces cours. Quand les nuits sont courtes, oui, les nuits d'hiver sont courtes, pardon, longues, mais les nuits d'été sont courtes. Devrait-on faire le cours entre le Maghreb et le Isha en été et le déplacer après l'Isha en hiver? Non, cela ne peut pas être. Allah dit « إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية » Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. Ça, nous l'avons expliqué. Mais il dit aussi « وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية » Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus élevé, le plus noble. Quand l'homme est-il établi dans l'abstraction? Et quand l'homme est-il établi dans les causes? Cette question, nous devons en connaître la réponse. Quand nous la saurons, le problème prendra fin. Yabni Aoud, Allah yarda alik, mon fils, reviens qu'Allah soit satisfait de toi. Petite note de traduction, ça doit être, j'imagine, un enfant qui s'est levé en plein milieu du cours. Quant à celui qui ne saisit pas la différence entre ces deux choses, l'homme, en fonction de l'environnement dans lequel Allah le Tout-Puissant l'a établi, a deux états. Un état où la législation religieuse lui demande de faire avec les causes, et un autre état où la législation lui demande de délaisser les causes. Et la référence dans les deux états, c'est la législation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Quand donc je trouve que les causes qui sont devant moi et avec lesquelles je suis capable de composer, d'interagir, que ces causes-là je peux composer avec sans aller à l'encontre de la législation religieuse, en appliquant l'esprit de la loi et ses enseignements, je suis alors, dans cette situation, appelé à composer avec les causes, à interagir avec les causes. Je suis un homme au cou duquel Allah a fixé la responsabilité d'une famille, comme nous l'avons dit, d'une femme et d'enfants. Et devant moi, au marché, au souk, il y a des opportunités de travail, de subsistance, qui sont légiférées, permises et facilitées. Dans ce cas, l'environnement dans lequel je me trouve m'appelle à interagir avec les causes, à les utiliser. Voilà le sens des paroles d'Ibn Ata'illah quand il dit « qu'Allah t'a établi dans les causes ». Si donc tu te détournes de l'utilisation des causes alors que tu es dans cette situation, que tu as une famille à ton cou et que tu as devant toi des opportunités légiférées, larges, de travail et de subsistance, et que tu te dises « je vais me consacrer à l'adoration et je vais m'éloigner de la vie d'ici-bas et tous ces divertissements, de ces occupations. » Alors dans ce cas, tu serais en train de pratiquer une envie de tes envies cachées. Mais elle est cachée, ornée d'une apparence religieuse. Le législateur te dit « Non, laisse ça et descends au marché. » Et interagis avec le marché et compose avec les causes. Parce que premièrement, ce sont des causes légiférées et qui ne posent pas de problème. Et deuxièmement, tu n'es pas responsable que de toi-même, mais tu es responsable de ta famille. Mais lorsque tu te trouves dans un environnement où les causes que tu veux pratiquer ne sont pas conformes à la législation religieuse, si tu veux les utiliser, tu vas tomber dans des interdits. Ça, c'est une chose. Seconde chose, tu regardes et tu vois peut-être que tu n'es responsable que de toi-même. Ça, c'est une seconde situation. Toi, dans ces deux situations, tu es établi dans le monde de l'abstraction. C'est-à-dire, quand tu es seul, qu'il n'y a pas à ton cou la responsabilité d'une famille, d'une femme, d'enfants, et ainsi de suite, quand tu es esselé, et qu'il t'est alors possible... qu'il t'ait alors ouvert la possibilité de délaisser la vie d'ici-bas en te contentant de rassasier ta faim pour ensuite orienter le reste de ton temps à la religion, à l'adoration et à l'étude de la législation. Alors là, dans ce cas-là, si seulement tu le faisais, ça serait bien. C'est une bien bonne façon d'œuvrer, car tu te fonds alors dans la situation où tu as été établi par Allah. L'autre situation, nous lui donnons aussi un exemple. Tu as une femme, des enfants, de la même manière. Mais quand tu regardes les causes avec lesquelles tu voudrais composer, avec lesquelles que tu voudrais pardon, interagir, que tu voudrais utiliser, tu trouves qu'elles sont toutes polluées. Et tu trouves que l'environnement des causes autour de toi ne s'accorde pas avec la législation. Législation religieuse. Dans cette situation, que fais-tu ? Là, la législation te demande de t'en remettre à Allah. Et là, tu dois te rappeler la parole d'Allah le Tout-Puissant. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque s'en remet à Allah, quiconque compte sur Allah, Allah lui suffira. Allah lui suffit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Là, Allah t'a établi par test, par épreuve, par une sagesse, dans le monde de l'abstraction. C'est-à-dire qu'il a fait qu'il ne t'a pas permis de pratiquer les causes que tu vois devant toi. Des causes claires, nombreuses, et qui te séduisent. Mais elles ne sont pas permises, et nous avons donné des exemples à cela. Parmi lesquels, comme nous venons de le dire, un homme qui vit en Occident, qui a une femme et qui a des enfants. C'est vrai, il est responsable d'eux. Mais en égard à la situation, à l'étude de cette situation, il a trouvé que les causes avec lesquelles il composait là-bas, dans le but d'assurer par le travail sa subsistance, lui amenaient une perte pour sa religion à côté du gain pour sa vie d'ici-bas. Et quand tu trouves que ce travail t'amène un gain en argent, mais t'amène aussi une perte en religion, alors il nous faut t'appliquer la règle qui dit « Dar ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ». Éviter les turpitudes, les vices, les mauvaises choses est plus prioritaire que de rechercher des intérêts, des bonnes choses. Quelle est donc cette turpitude, ce mal que t'amène ton utilisation des causes ? Quelles sont les pertes ? Ce que nous avons dit maintenant. Une ambiance, un environnement infecté. Tes enfants ont passé l'étape de l'enfance et sont arrivés à l'adolescence. Et c'est l'étape difficile. Et tu dois nécessairement les livrer à l'école. Là-bas, l'école est obligatoire. Tu dois les laisser à l'école. Quelle sera alors la conséquence de l'éducation de ces adolescents dans ces écoles, alors que les directives et la situation sont bien connues ? Donc, ces causes avec lesquelles tu composes dans le but de la subsistance ne te sont plus légiférées, ne te sont plus autorisées. L'environnement entier n'est plus légiféré, n'est plus autorisé. Tu dis, bon, le Créateur Tout-Puissant nous a ordonné de travailler, de fournir des efforts. Et Allah, pureté et toute-puissance à lui, n'aime pas le serviteur, l'esclave qui chôme. Peut-être te rappelles-tu alors des preuves, des textes qui incitent au travail. Tu dois dire, ceci est un propos juste quand Allah t'établit dans un monde propre de causes propres. Oui, tout à fait. Mais Allah, maintenant, ne t'a pas établi dans un tel monde. Il t'a établi dans le monde de l'abstraction, c'est-à-dire que tu es éprouvé, mis à l'épreuve de l'abandon des causes. Et tu n'es pas éprouvé, mis à l'épreuve de l'appropriation, de l'utilisation de ces causes. Et ici, la foi joue son rôle, oui. Si donc, tu fais passer ta religion avant ta vie d'ici-bas, et que tu as vu que les choses étaient ainsi, oui, il est vrai que tu as un métier dans le commerce. Et le commerce est autorisé. Et peut-être essayes-tu d'emprunter, de suivre dans ton commerce les voies religieuses, légiférées, permises. Mais dans la foulée de ton commerce, pour ton commerce, l'éducation de tes enfants se déchire. Donc, pour cette raison, ce commerce n'est plus légiféré, n'est plus permis. Bon. Et ici, entrent en conflit la religion et la vie d'ici-bas. Entrent en conflit les impulsions de la recherche de la satisfaction d'Allah et celles de la constitution de la fortune, des possessions de la vie. À qui donc sera la victoire ? C'est là qu'on distingue le serviteur, l'esclave qui suit l'agrément d'Allah, de celui qui suit la colère, le courroux d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Je vais vous donner des exemples vivants, car ils nous éloignent de l'imagination illusoire. J'ai un ami qui vivait en Allemagne. Il a étudié là-bas. Puis il a ouvert une clinique et s'est mis à y travailler. Jusqu'à l'année dernière, son travail était légiféré. Sa situation était sérieuse dans le bon sens, dans la bonne voie. Et ce, parce que ses moyens de subsistance étaient des moyens sains quand ses enfants étaient petits. Il n'était pas encore sorti de son autorité, de son pouvoir. Mais depuis cette année, certains de ses enfants ont atteint un âge qui le contraint à les faire entrer à l'école primaire bien sûr. Et dans cette situation, l'enfant commence à divaguer, à dévier. Le facteur de l'adolescence est une chose, à laquelle s'ajoute l'environnement et ce genre d'école. Cet homme a regardé, a réfléchi, et s'est vu immergé, mis par Allah, pureté et toute puissance à lui, dans une épreuve. Les causes dansent autour de lui, mais désormais elles ne sont plus des causes permises. Maintenant, il est appelé à fuir les causes pour l'abstraction, à s'éloigner des causes. Alors que la vie le tente, le séduit. Qu'a-t-il fait ? Il a pris une décision qui satisfait Allah, pureté et toute puissance à lui. Et il a décidé de quitter toute cette ville, pour que ses enfants ne tombent pas dans la tentation, ne soient pas séduits. Et pour qu'ils ne se voient pas porter un tel fardeau à cause d'eux. Il a décidé de délaisser ces sommes d'argent énormes qui rentraient dans sa maison et dans sa poche, et il s'est dirigé vers un pays musulman dans lequel il ne gagne même pas un dixième, non même pas un vingtième de ce qu'il aurait gagné en Allemagne. Et malgré cela, il s'est dépoussiéré les mains de tout cet argent supplémentaire et a préféré s'éloigner de ces causes qui dansaient autour de lui. Car Allah, pureté et toute puissance à lui, l'a soumise à une épreuve. Et quelle est cette épreuve ? Sa religion l'appelle au monde de l'abstraction, et son âme et ses passions l'appellent au monde des causes dans lequel il se trouvait. C'est cela que veut dire Ibn Ata'illah d'Alexandrie. J'ai donné un autre exemple, puis le temps nous a manqué. Petite note de traduction, ça, c'était au cours précédent que le temps leur a manqué. Un homme résidant dans un pays musulman, et qui a dans ce pays des outils, des causes de subsistance, et qui a dans ce pays des sources de revenus. Et tout d'un coup, ce pays a changé de situation. L'islam y est devenu étranger. Non, plus encore, l'islam y est devenu fugitif. Là aussi, on trouve un homme qui était dans le monde des causes, et dont l'utilisation des causes était en accord avec la législation d'Allah. Et subitement, Allah l'a éprouvé en l'appelant à se défaire de ses causes. Que lui faut-il faire ? Je veux parler de la Turquie, lorsque l'ère du califat était finie, lorsque la page du califat a été tournée, et qu'on est venu apporter Mustafa Kemal. J'ai bien dit « on est venu », et je n'ai pas dit « il est venu ». On est venu l'apporter. Et qu'on est venu apporter Mustafa Kemal après le traité de Lausanne, le fameux traité de Lausanne, dont le héros était Ahmet Enino. Et qu'on est venu apporter Mustafa Kemal après la signature de ce traité. Petite note de traduction, rapidement, Mustafa Kemal c'est une figure de la laïcisation de la Turquie dans les années 20, si je ne me trompe pas. Le traité de Lausanne, vous pouvez aller voir ce que c'est. Ahmet Enino c'est le chef de la délégation turque lors du traité de Lausanne. Et donc quand Cheikh Elbouzi rahimahullah dit que c'était le héros du traité de Lausanne, je pense que c'était très très très ironique. Et voilà, en fait, Mustafa Kemal est connu pour avoir fait une laïcisation forcée de la Turquie après la chute de l'Empire ottoman. Je redonne la parole à Cheikh Elbouzi rahimahullah. Ce traité stipulait que les hommes en charge en Turquie, à la suite, sur les ruines du califat islamique qui s'est effondré, étaient chargés de détruire toute trace d'islam en Turquie, et ce, dans une période maximale de 30 ans. Les accords le traité de Lausanne est connu. Oui, et la partie turque a signé sur cela. Et on est venu avec Mustafa Kemal en tant qu'exécutant de cet accord. L'accord ne stipulait pas seulement l'affaiblissement de l'islam ou le fait de limer les ongles, de couper les ongles de l'islam, c'est une traduction un peu littérale, ça veut dire de l'affaiblir tout simplement. Non, il stipulait la destruction de toute trace restante de l'islam, de peur que le califat ne revienne une deuxième fois. Et Mustafa Kemal est venu et il s'est mis à exécuter cette tâche, comme vous le savez. Il a annulé les caractéristiques islamiques. Il a annulé les rites. Il a fait arrêter l'appel à la prière, l'adhan en arabe, la lecture du Coran en langue arabe, comme vous le savez. Les gens qui possédaient des moyens de subsistance dans cet endroit, dont cette terre était la patrie, se sont retrouvés subitement appelés par la législation d'Allah, pureté et toute puissance à lui, à se délester du monde des causes et s'en couper, pour embrasser le monde de l'abstraction. C'est-à-dire à délaisser les causes et à s'en remettre à compter sur le Seigneur des causes. Quiconque a préféré la vie d'ici-bas a donc dit « Mais où vais-je aller ? Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, nous donne notre subsistance, mais par les causes. Il ne pleut que lorsqu'il y a des nuages, et les plantes ne poussent sur la terre que lorsque la pluie tombe. Et l'homme n'est rassasié que s'il mange, et il ne mange que s'il travaille. Mon frère, les causes sont indispensables. » Cet homme-là, il s'est soumis au monde des causes, et a alors perdu sa religion, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Ou, il a publiquement proclamé son islam, et s'est dressé comme une montagne contre ce qu'on voulait de lui, ce qui a entraîné sa destruction. Oui. Ou, il a fait passer sa religion avant sa vie d'ici-bas, et s'est défait des causes. Devant lui, il y avait son jardin. Il a dit, je vais laisser ce jardin. Il y avait des biens avec lesquels il travaillait. Je vais laisser tout ça, parce qu'il n'y a plus pour moi de moyens de subsistance sur cette terre-ci. Par quoi s'éclaire-t-il ? Par cette parole d'Ibn Ata'illah. Bon, Ibn Ata'illah lui-même, par quoi s'éclaire-t-il dans sa parole ? Par la parole d'Allah, le Coran. Il s'éclaire à la lueur de la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qui dit « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim » وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre de nombreux refuges et de l'abondance, de la largesse. Oui, on peut continuer. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. C'est cela que dit Allah, pureté et toute puissance à lui. Celui donc qui prête l'oreille à la clarification d'Allah le Tout-Puissant, qui se dépoussière les mains de la vie d'ici-bas, qui s'en défait, et de son commerce, qui se dépoussière les mains de la vie d'ici-bas, de son commerce, et de son jardin, et de son travail, etc. Et que si on lui dit « Malheur à toi, demain ta famille sera éprouvée par la pauvreté, et par la difficulté de la vie, et par la misère. » Les causes, c'est le maître qui les a légiférées. Il répond « Non. Le Créateur Tout-Puissant a placé l'humain dans deux états. Quand l'environnement est pur, les causes sont alors légiférées et tu dois les pratiquer. Et quand l'environnement change en autre chose, quand l'environnement se transforme en autre chose que cela, alors dans cette situation, tu dois délaisser les causes et compter sur le Seigneur des causes. » Et c'est ce qu'Ibn Atta Illah veut dire par le mot « At-Tajrid », l'abstraction. Je vous ai dit la semaine dernière, et je répète, j'aime donner, dans la mesure du possible, des exemples pratiques. Je vous avais dit la semaine dernière que mon père, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était de ces gens-là qui se sont retrouvés entre ces deux choix. Il a trouvé qu'il était dans une ambiance, dans un environnement où la religion était combattue et que le plan consistait à s'attaquer à la religion à la racine. Mustafa Kemal a détruit les rites religieux, les rituels. Le plan a détruit les rites religieux, les rituels, tous ces aspects apparents et ces contenus. Bon. Mon père avait, dans l'endroit où il vivait, où il résidait, il avait des terres, il avait des jardins, il avait de l'immobilier, il avait une maison. Et il pratiquait, oui, les causes de la subsistance. Mais quand les choses ont changé, ont été bouleversées, et que la situation fut devenue telle que je vous l'avais décrite, il a regardé, il a réfléchi, et il a vu que la législation religieuse le mettait en garde contre l'utilisation des causes dans un tel environnement. Et il a trouvé que la législation l'appelait à délaisser les causes, et ce parce que les causes, dans cette situation, allaient détruire sa religion. Les choses se sont donc passées, de telle sorte qu'il aille vers l'abstraction à laquelle il était appelé. Il a laissé le jardin, il a laissé les biens immobiliers, il les a laissés comme ça, sans rien en vendre. Il n'a pas essayé de vendre, d'en tirer profit, ou de faire ceci ou cela, du tout. Il a laissé tous les biens non transportables à ses proches et ceux qui l'entourent. Et il s'est dirigé vers Allah, pureté et toute puissance à lui, défait de toutes ces choses. Il disait, mon espoir dans cette difficulté, la lampe qui m'éclairait le chemin, c'était la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre de nombreux refuges, de l'abondance, de la largesse. À chaque fois que les choses devenaient difficiles pour moi, je la répétais, disait mon père. Donc l'homme, dans certains cas, est appelé à délaisser les causes. Parce que dans cette ambiance, il vit une situation qu'il appelle à l'abstraction. Et dans d'autres situations, c'est tout à fait le contraire. Mon père, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, disait « Quand j'ai traversé la frontière, et il a traversé la frontière avec de nombreuses difficultés, dans des nuits noires, si une partie des gens, des gardes qui la gardaient, qui poursuivaient les sortants, les fugitifs, si certains l'avaient vu, ils auraient ouvert le feu sur lui immédiatement. » Lorsqu'il eut dépassé la frontière, lorsqu'il entra dans cette terre bénie et se dirigea vers Damas, en car, un homme s'assit à côté de lui. Regardez la fitna, la sédition, comment Allah éprouve l'esclave, le serviteur. Oui, l'homme lui dit « D'où viens-tu? Qui es-tu ? » Mon père lui répondit « Je viens de Turquie. » L'homme lui demanda alors « Où vas-tu ? » Il lui répondit « Dans la terre du Shem, de la Syrie, toute cette zone-là, Syrie, Jordanie, etc. » Et lui, il va en Syrie. L'homme demanda « Eux, c'est ta famille ? Ce sont tes enfants ?» Mon père lui répondit « Oui ». L'homme continua « Que vas-tu faire dans le Shem ?» Il répondit « Je vais rechercher une subsistance. » L'homme dit « Ne sais-tu pas que le Shem est un pays vaste et qu'un homme ne peut y vivre que s'il s'y connaît, que s'il est capable de travailler dur pour subvenir à ses besoins ?» Et ainsi de suite. Mon père lui répondit « Non, je ne sais rien de tout cela. » L'homme lui dit « Alors tu es en train de t'aventurer. Reviens avec tes enfants à l'endroit où tu étais. » Mon père lui répondit « Allah, pureté et toute puissance à lui, ne me délaissera pas, c'est sûr. Je porterai une hache et je couperai du bois. » L'homme lui dit, « Lorsque tu porteras ta hache, tu trouveras devant toi une vingtaine d'autres qui t'auront devancé et qui couperont du bois pour les gens. » Mon père raconte, « J'ai réfléchi à la situation et j'ai alors su qu'Allah m'avait envoyé cet homme pour éprouver, tester mon délaissement des causes et ma demande de refuge aux faiseurs des causes. Je lui ai dit, « Mon frère, laisse-moi. Ceci est ma décision et la décision que j'ai prise. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, ne me délaissera pas. Et même s'il le faisait, dans tous les cas, je suis son esclave. » Oui, voilà le sens des paroles d'Ibn Atta'illah. Et ici, nous disons, Quand l'homme entre dans le monde de l'abstraction et se dénude des causes qu'Allah n'a pas permises, n'a pas légiférées, ou des causes polluées, ou d'un environnement pollué, comme nous l'avons déjà dit, est-ce qu'Allah va le laisser? Est-ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, le délaisse? Où es-tu donc de la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera la subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Où es-tu de la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque s'en remet à Allah, quiconque compte sur Allah, Allah lui suffit. Oui, lorsque l'homme interagit, compose avec la législation d'Allah, dévoué en cela à Allah, pureté et toute puissance à lui, alors Allah, pureté et toute puissance à lui, lui remplacera invariablement le bien qu'il a pu manquer. Il n'y a pas de doute à cela, pas l'ombre d'un doute. Non. Mais il y a deux situations. L'homme doit garder les yeux sur la loi religieuse, la législation, pour savoir s'il est dans l'instant présent appelé à interagir avec les causes ou s'il est appelé à délaisser les causes. Oui. Si l'homme n'a pas la visibilité de la législation d'Allah, il n'arrivera pas à distinguer les choses. C'est-à-dire, par exemple, l'homme peut expliquer la parole d'Allah, le Tout-Puissant, et quiconque s'en remet à Allah, quiconque compte sur Allah, Allah lui suffit, l'homme peut l'expliquer de manière inappropriée, pour un cadre inapproprié. Par exemple, un homme qui pratique un travail dans sa vie et qui a lu ce verset, il dit, bah alors pourquoi je travaille? Quiconque s'en remet à Allah, quiconque compte sur Allah, Allah lui suffit. Il dit, alors pourquoi je travaille? Mon Seigneur dit, et quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Il ferme boutique, il délaisse son travail, il s'assoit dans sa maison. Et cela arrive souvent, oui. Mon frère, pourquoi as-tu délaissé le travail? Pourquoi as-tu délaissé le marché? Il te dit, j'ai lu la parole d'Allah et c'est comme si je la lisais hier pour la première fois. Et quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Nous lui disons, étudie la législation. L'homme a deux états. Un état où il lui est demandé d'interagir avec les causes, mais en s'en remettant aussi en même temps à Allah. Il doit nécessairement interagir avec les causes dans cet état-là. Et un autre état où la législation l'appelle à délaisser les causes. Dès lors, quand tu étudieras la législation, tu apprendras quel mouvement exécuter et quelle tactique adopter dans le but de la satisfaction de ton Seigneur, pureté et toute puissance à lui. Sans la connaissance des règles de la législation, la confusion se produit. Si nous disons un homme qui travaille dans le commerce, qui travaille dans la vie d'ici-bas, selon le chemin légiféré, et qui a une famille, et au coup duquel Allah, pureté et toute puissance à lui, a mis une responsabilité. Mais qui arrive en nous disant « Moi, en un mois, je gagne par exemple 50 000 lires. » Petite note de traduction, c'est rappel, on l'avait déjà dit, que la lire, c'était la monnaie syrienne. C'est la monnaie syrienne, je crois, toujours. Et à la réflexion, je vois que ce dont Allah m'a chargé comme famille, il leur suffit, et il me suffit, une somme de 25 000 lires. Bon, peut-on me reprocher quoi que ce soit si je travaille dans le mois la durée qui me fait gagner 25 000 et que je laisse, ou plutôt que j'oriente, le reste de mon temps à ce qui satisfait Allah, pureté et toute puissance à lui? Quelle est la réponse qu'on lui donne? En se basant sur cette mesure que nous venons d'expliquer, cette question, les frères, revient à un point et un seul. Maintenant, la législation est silencieuse. La législation te dit, si tu te mets d'accord avec ta famille sur cela, alors nul reproche. Tu reviens vers ta famille. Toi, tu es ascète. Tu te contentes de peu. Tu te contentes de 25 000 par mois. Mais tu ne peux pas imposer cet ascétisme à ta famille. Il ne t'est pas permis d'imposer cet ascétisme à tes enfants. Reviens vers eux. Consulte-les. Comme Allah le Très-Haut le dit, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et consulte-les dans l'affaire. Si donc ils sont réellement d'accord avec l'avis qui a germé en toi et que vous vous êtes regroupés autour de cet avis, alors il n'y a pas de mal. Et rien ne t'en empêche, à condition que toi et les membres de ta famille ayez assez de confiance en Allah pour ne pas laisser au diable une porte vers vos cœurs. Si vous avez cette confiance, alors nul empêchement après que les membres de la famille se mettent d'accord sur cet avis. Mais si la question relève de la réaction immédiate, c'est-à-dire par exemple que l'homme a assisté à une assise, à un cours comme celui-ci, et qu'il a entendu des paroles divines, qu'il a alors ressenti un rejet, un dégoût de la vie d'ici-bas, de son commerce, et qu'il a décidé, en son fort intérieur, de se contenter de donner au marché la moitié du temps qu'il lui donnait, et d'orienter la seconde moitié au cours de sciences religieuses, à la religion, à sa famille, et ainsi de suite, par une décision immédiate, comme ça, à chaud. Non. Ne te base pas dans tes décisions sur une réaction immédiate, qui n'est que passagère. Reviens vers toi-même. Si tu as une confiance totale en Allah, alors que ton délaissement des causes soit à la mesure de ta confiance en Allah, pureté et toute puissance à lui. Ceci, après t'être mis avec les membres de ta famille, après t'être mis d'accord avec les membres de ta famille sur ce sujet. Même, il se peut qu'un jeune homme dise « Moi, je suis un demandeur de science, un étudiant, mais je suis orienté vers les sciences mondaines. Moi, j'étudie l'ingénierie. Moi, j'étudie la médecine. Moi, j'étudie la chimie, les sciences, par exemple. Et nul doute que ces études sont orientées dans un but, dans une optique mondaine, d'ici-bas, dans le but de gagner une subsistance. Ces propos que nous venons de tenir sont-ils en accord avec ma situation ou dois-je délaisser le monde des causes d'ici-bas pour étudier la législation religieuse, la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui? Et dois-je, au lieu de la faculté de médecine, entrer dans la faculté de sciences religieuses? C'est-à-dire, suis-je dans cette situation appelé à interagir avec les causes mondaines ou suis-je appelé à délaisser les causes mondaines, à m'en remettre à Allah et à entrer dans la faculté de Sharia, par exemple? Quelle est la réponse? J'ai dit, la Sharia, la loi islamique, résout toujours les problèmes. Apprends la législation religieuse et tu trouveras la réponse à cette question. Quel est le statut de l'étude des sciences mondaines dans la loi islamique? L'étude des sciences mondaines fait partie des « furud kifaiya », des obligations collectives, qui, si elles sont prises en charge par un nombre suffisant de gens, font tomber la responsabilité du reste des gens. L'étude de la médecine, du nucléaire, de l'électronique, de l'ingénierie, de toutes les sciences mondaines dont la société a besoin à un moment donné. Cette étude fait partie des obligations collectives. L'étude de la loi religieuse est en deux parties. La première, qui concerne l'apprentissage par chaque individu de ses devoirs, de ses fonctions religieuses dont Allah l'a chargé lui. Cette partie est une obligation individuelle, fardu ayn, pour tout musulman. Ce qu'il y a après ça, de spécialisation, d'approfondissement des sciences légiférées, c'est aussi une obligation, mais c'est une obligation collective. Fardun kifa'iyun. Dès lors, si tu as appris cela, sache que innamal a'mal ou binniyat. Les actes ne se mesurent que par les intentions, ne valent que par les intentions. Si tu étudies une science parmi les sciences mondaines et que tu t'orientes en ton fort intérieur vers Allah en disant « Oh Seigneur, par cela, je n'ai voulu que faire fructifier ces connaissances pour servir ta religion et pour me tenir debout sur une brèche parmi les brèches, être gardien de ta religion par le biais de cette spécialisation que je vais maîtriser. » Dans ce cas, tu es dans l'adoration, tu es adorateur. Il te reste une seule chose. Que tu ne te mettes pas en tête les préoccupations mondaines par le biais de ce travail. Mets-toi en tête, en premier lieu et spécifiquement, de servir l'islam par cette spécialisation. Et après cela, vient le rôle de la subsistance qu'Allah va t'envoyer. Et demande à Allah le Tout-Puissant qu'il te fasse don aussi de sa subsistance par le biais de ce travail. C'est une bonne chose. Pas besoin de délaisser ce travail dans le but de demander la science religieuse. Mais, si tu étudies cette matière et que nous n'en avons pas besoin, que notre pays n'en a pas besoin, qu'elle n'est ni fardain, ni fard kifay, ni obligation individuelle, ni obligation collective, comme par exemple à la faculté des beaux-arts et des choses de ce type. Non. Dans cette situation, si tu me le demandes, je te réponds qu'il est mieux pour toi d'étudier la loi religieuse et de t'en remettre à Allah le Tout-Puissant, de lui demander la subsistance, et il est mieux que tu t'arrêtes à la parole d'Allah le Tout-Puissant. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque s'en remet à Allah, compte sur Allah, Allah lui suffit. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.